Je prends une loque et deux, trois potes, je traverse la Belgique, je fais Amsterdam. Le lendemain, je suis en showcase dans le jacuzzi à Rotterdam. Je fais la fête, je fais pas la tête, c'est occasionnel, je vois des verres d'hommes. Je mets première et j'accélère, sur bitume, j'arrache la gomme. Sous Joujoule, nouveau style, 2018, on change la donne. Tu veux ma vie, tu l'auras mes soucis, tiens, prends là, je te la donne. C'est qu'elle michetonne, elle veut passer ses nuits au Sheraton. T'as tout claqué, elle t'a quitté, toi qui croyais avoir trouvé. Arrête de croire que ta clique, c'est le cartel de Tijuana. Il arrive à casser des coccyx, bon enfoiré.